plus dans les gens avec qui tu traînes. T'aimes plus ce que tu fais, t'aimes pas la musique que t'écoutes. Ton boulot t'amène rien, t'as plus soif et t'as plus faim. Tu veux changer ça, mais tu sais pas par où on commence. T'écoutes plus ce qu'on te raconte, t'es en train de t'abonner. Absent, y'a ton répondeur qui dépend par les t'es devenu un effort. Tu sais plus qui t'es, alors tu regardes par la fenêtre et t'as peur de ce que tu vois. Peur des humains qui s'entretuent en bas. Et t'es malade, et tout le monde s'en fout. Tu vas crever, et tout le monde s'en fout. Et tu te sens responsable des guerres que t'as même pas vécues. T'as l'impression d'être sale, tu te sens toxique, tu sens que tu pues. Tu portes le monde sur tes épaules, les humains qui s'entretuent. Tu regardes le chien et t'aimerais mieux être à sa place. Et t'es malade, et tout le monde s'en fout. Tu vas crever, et tout le monde s'en fout. Et t'es malade, et tout le monde s'en fout. Tu vas crever, tout le monde s'en fout. Tu vas crever, tout le monde s'en fout. T'aimes plus celle avec qui tu dors, t'as mal aux yeux et aux oreilles. Tu comprends plus comment on vit. Tu veux plus rien apprendre, même oublier tout ce que tu sais. T'es malade, tout le monde s'en fout. Tu vas crever et tout le monde s'en fout. Et t'es malade, tout le monde s'en fout. Tu vas crever et tout le monde s'en fout. Et t'es malade, et tout le monde s'en fout. Tu vas crever, et tout le monde s'en fout. Et t'es malade, et tout le monde s'en fout. Tu vas